Wesh, il est chelou là, lui, c'est pourquoi il m'envoie sur son répondeur. Putain, il est chelou, lui. Wesh, enfoiré, ouais. Hey, je t'appelle depuis tout à l'heure, tu m'envoies sur ta messagerie. Ah, frère. Tu me dois pas de thune à ce que je sache. Ouais, espèce d'enfoiré. Hey, je suis juste à côté là. Ah ouais, bah carrément, bah, je te vois là, carrément, je te vois. Vas-y. À tout de suite. Vas-y, je t'attends. Oh, Zekwe Ramos, putain. Un mec injouable. Allez, arrête, Brutinho quoi, mon frère. Ça y est, t'as sorti la Seleção. On n'entend plus parler de toi. T'étais où là, tout ce temps-ci là? Mais frère, mais j'étais là. Eh, hey, mais là, je suis désolé, frère, mais je viens de me faire contrôler, mon frère. Ouais, ils étaient prêts à me fouiller le trou du cul avec une torche. Ils sont où là, ouais. Ah, c'est fils de. Ils sont là-bas. Ah, tout de suite, fils de. Ils font leur boulot, frère. Oh là là. Eh, mon négro, arrête de faire le défenseur de la. Non, mais de ils font leur boulot tout le temps, fils de. Quoi, frère, ça pourrait être ton père, ta mère, fils de. Respecte un peu. T'as changé. Non, c'est pas une question de changer. Vous respectez pas assez, respecte-les. Eh, là, tu commences à me faire peur par contre. Sans déconner, tu me fais peur. Comment ça, je te fais peur? Mais même ta tête, elle me fait peur là. Ouais, bon, vas-y, écoute. Je t'avoue que je me remets en question depuis quelques mois, hey. T'es mal état de notre quartier, n'est plus du tout pareil. Je reconnais plus ma rue, les anciens carbures à la coke. J'ai vu des jeunes criber de balles sous prétexte qu'ils furent des taupes. Marre de les avoir sur les côtes, ici l'oseille occupe les pensées. On le prend là où il est, survit sans aucune méchanceté. Je t'apprends rien, ici le désespoir tu le portes en toi. Les rares moments de joie, on se les paye pas grâce au pôle emploi. Autant que toi je veux des sous, mais ne mélange pas tout. Ils ont construit nos tours sans chasse d'eau, c'est la merde partout. Et puis tu sais, le flic, c'est un taf comme un autre. Allez, remballe ta morale avant que je te passe des menottes. Non, je te parle sérieux, j'aime pas l'humour de bleu-bit. Je trouve que t'as changé, je te le dis, que Dieu te quitte. Y'a du pigeon salissé les murs avec des fuck police. On faisait cavaler les Pac-Man qui jouaient les Chuck Norris. Et aujourd'hui, tu me dis ça, et je comprends plus ton délire, mon frère. Attends, Zek, t'es mon frère ou pas? Réponds-moi, frère. Je suis ton frérot, mais je vois pas où tu veux en venir. Je t'ai toujours respecté. Je te demande de faire pareil. Je t'ai pas fait venir ici pour qu'on se prenne la tête, s'il te plaît. Je te demande d'écouter ce que j'ai à te dire. Ok? Explique-moi, cabron, je comprends plus rien. Ouais, je vais t'expliquer, mais s'il te plaît, écoute-moi. Calme-toi, écoute-moi. Ok? Vas-y, ok. Pose-toi deux minutes, écoute ce que j'ai à dire. Tu me les cases, vas-y, abrège. On a tout le temps, y'a rien qui presse. Mais ta folie m'a pris de vitesse. Je passe le concours d'entrée à la police dans les jours qui viennent. Je m'en suis lassé de cette violence quotidienne. Manque plus que ça, la pire des épreuves à traverser. Un négro dans le poulailler, je croyais voir ça qu'au KFC. Réfléchis bien ta connerie. C'est tout réfléchi. Y'a que les victimes qui vont se réfugier sous les képis. Je suis pas une victime et tu le sais, je vais pas te la prendre, hein. Tout part en couille, faire régner l'ordre, j'en suis contre, hein. Ok, choix de négro, c'est quoi? Prends la ta plaque, mais efface mon numéro avant de me vendre à la BAC. Je te croyais plus intelligent que ça, toujours aussi puéril qu'à l'époque où on volait d'Exandia. Ça me fend le cœur de voir que tu ne respectes pas mon choix. Ouais, mais c'est comme ça, bonne carrière, bon courage, bonsoir. Attends, t'en vas pas comme ça, Zek, t'en vas pas comme ça, putain. Mais écoute ce que j'ai à dire. Tu penses qu'à ta gueule. Mais non, mais écoute ce que j'ai à dire. Ta gueule, y'a deux camps, on peut plus voir. Comment ça, y'a deux camps? Comment ça, y'a deux camps? Eh, on est plus compatible, frérot. On est plus compatible. T'as choisi ton putain de camp, j'ai le mien. Je me casse. Bon courage, frérot. Putain, va te faire. Toi, va te faire. J'avais un frère, un vrai, on l'a arraché. La police elle-même vient me l'tarjaquer. J'avais un frère, un vrai, on l'a arraché. La police elle-même vient me l'tarjaquer. On l'a arraché. On l'a l'tarjaquer. On l'a arraché. Eh, c'est bientôt la rentrée scolaire. C'est pas la street qui paye les fournitures. En plus j'ai un peu fond, tu sais très bien que j'aime pas une nourriture. Le quartier, qu'est-ce qui t'apporte à part des ennuis? T'as fait les phalanges propres, maintenant tu les as couleur cambouis. Je remplirai pas le frigo de la mama avec tes trafics. Suite au problème de tension, elle a le cœur qui palpite. Donc la perquise à 5h du mat, on va éviter. Le choix est fait, même si c'est vrai que j'ai longuement hésité. J'ai bien de la trentaine, moi. J'en ai ma claque du chômage. Comment veux-tu que la petite soit fière d'un papa trop naze? Tu sais, depuis que je suis gosse, je rêve de la police nationale. La rue m'a trop baisé, je refuse d'être un infomane. Et puis merde, je suis un enfant de la patrie. Pour le bien de mon bled, je suis prêt à manger une bastose dans la poitrine. Et puis la France, mon pays, le bleu, blanc, rouge, je le respecte. Ça ne regarde que moi, j'ai pour ambition d'être interrespect, hein. J'avais un vrai, on l'a arraché. La police elle-même vient me l'tarjaquer. J'avais un vrai, on l'a arraché. La police elle-même vient me l'tarjaquer. On l'a arraché. On l'a l'tarjaquer. On l'a arraché. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Yeah.